Chapitre 22e. Demian Markov, premier prix de violon au conservatoire, aura l'honneur de donner un concert dans l'assemblée de la petite noblesse le mercredi 20 mai 1860 et quelques, à 8 heures du soir. Cette affiche, placardée partout, n'eût pas attiré un nombre suffisant d'auditeurs si Madame Roussoff et le professeur Verlomine n'avaient placé des billets avec un acharnement remarquable, surtout pour cette époque de l'année, où le public amateur de musique émigre en grande masse vers l'intérieur. C'est peut-être parce que ce concert était le dernier, peut-être aussi parce que jusque-là on n'avait pas fait grand bruit de Markov, que la salle se trouva presque pleine lorsque le jeune homme apparut sur l'estrade. Instinctivement, il porta son regard sur le premier rang de fauteuils. Il y vit des gens de toute espèce, jeunes, vieux, laids, beaux, peu de ceci, mais pas la moindre boucle de cheveux qui lui rappela la dame dont les yeux l'avaient tant interrogé au conservatoire. Comme il achevait son examen, un peu désappointé, il aperçut le visage fin et ironique du diplomate qui sourit imperceptiblement. Ce sourire acheva de désorienter le pauvre garçon, et son premier morceau reçut le contre-coup de ses émotions intérieures. On se dit dans la salle, en divers endroits, que ces messieurs du conservatoire n'en font jamais d'autres. Il n'est pas de charlatanisme qui leur coûte pour lancer un fruit sec dont ils se sont toqués. Pendant qu'un pianiste connu exécutait la rhapsodie hongroise et faisait assez de bruit pour couvrir celui d'un tremblement de terre, Verlomine attaqua Demian dans le salon des artistes. « Malheureux, lui dit-il, tu nous tournes en ridicule. Tu trahis l'engagement moral que tu as contracté avec nous. Tu joues comme un chef d'orchestre de guinguette. À quoi penses-tu? Ne peux-tu te secouer ?»« J'ai peur. » dit Demian, l'oreille basse. « Ce n'est pas vrai, tu n'as pas peur. Tu n'as pas eu peur en entrant. Tu n'as pas eu peur l'autre jour à l'examen. » « Je suis triste, » fit Demian, incapable de mentir, incapable aussi de contenir l'amertume qui lui montait du cœur aux lèvres. Elle aurait dû être là, cette femme, elle le devait. Elle savait certainement qu'il jouerait. Pourquoi n'était-elle pas venue? Mais c'était une chose impossible à dire. « Tu es triste ?» Parce que tu vas gagner de l'argent gros comme toi. 2000 roubles de recettes, tout frais payés, et monsieur n'est pas content. Pas de poésie, je t'en prie. Pas de mélancolie non plus, je déteste les grimaces. Va de l'avant, et tâche d'avoir du nerf. » Demian, ainsi encouragé, se dirigea vers la salle. Son entrée ne fut pas brillante. Il avait désappointé le public, et les plus indulgents, ceux-là même qui parlaient de la gêne inséparable d'un premier début, n'osaient trop l'applaudir. Il s'avança, résigné à tout, même à un échec complet, qui eût mis à néant les espérances qu'il caressait depuis plusieurs années. Il était dans la situation d'esprit d'un homme qui voit arriver un train sur lui et qui ne peut pas quitter la voie, retenu par la terreur, paralysé par la vue de la catastrophe imminente. « Le là, s'il vous plaît, » dit-il à l'accompagnateur. Celui-ci donna la note demandée, tout en s'étonnant que Demian n'eût pas la précaution d'accorder son violon avant d'entrer. Le jeune homme fit résonner la corde à son oreille pour gagner un peu de temps. Soudain, son visage s'éclaira, une force nouvelle, une joie triomphante l'envahirent tout entier. L'inconnu du conservatoire s'avançait lentement vers l'estrade, la tête haute, légèrement jetée en arrière. Les traits de son visage n'exprimaient que la satisfaction de l'orgueil, l'assurance du dédain. Elle traînait derrière elle les flots d'une superbe toilette et marchait seule, comme pour affirmer son indifférence à l'égard du monde entier. Elle alla droit à son fauteuil, près du diplomate, et s'y laissa tomber sans avoir jeté un regard autour d'elle. Demian posa l'archet sur la corde, et une joie frissonnante, une vibration intense, passa du violon dans tout son être, jusqu'à l'extrémité de ses cheveux soulevés légèrement par un courant électrique. Aussitôt, l'archet chanta divinement, comme porté par des ailes invisibles, et le jeune homme, tout en exécutant pour le commun des auditeurs une sonate classique, fit entendre à l'oreille exercée de quelques-uns un hymne magnifique à l'amour et à la jeunesse. Elle ne le regardait pas. La tête baissée, elle jouait avec le gland de son éventail et paraissait indifférente à la musique comme à tout le reste. Qu'importait à Demian, sa protectrice mystérieuse? La bonne fée qui lui avait fait obtenir son premier prix était venue. Venue pour lui, cette fois. Parce que son nom l'avait frappé sur l'affiche. N'était-ce pas assez d'orgueil et de bonheur? Demian s'arrêta, l'allegro était fini. On l'applaudit avec frénésie, comme c'est applaudir ce bon public russe, le plus enthousiaste et le meilleur des publics. Il s'inclina en relevant son archet prêt à attaquer l'andante. Elle leva doucement sa tête altière et attacha sur lui un regard profond et pénétrant qui le fit frissonner de la tête aux pieds. Pour elle, il fit chanter l'instrument comme une voix humaine. C'était le bois sonore qui était chargé de lui exprimer toutes les caresses d'une âme neuve, soudain ouverte à l'amour le plus enivrant, le plus éthéré, celui d'un être mortel pour une étoile inaccessible, amour d'autant plus fou qu'il ne craint pas de blesser celle qui en est l'objet. Elle est si haut que rien ne peut l'atteindre. « Vous voulez donc l'ensorceler ?» demanda le comte Raben à sa belle voisine qui était retournée à son éventail. « Cela ne vous regarde pas, » répondit-elle sans le regarder. « Est-ce qu'il vous plaît vraiment, ce jeune adepte du crin-crin ?» Elle secoua légèrement les épaules et la frange de son burnous tomba sur le bras du diplomate. « Avez-vous lu Dalila, princesse ?» continua celui-ci sans se déranger. « Dalila, je crois que oui. Eh bien, souvenez-vous de Roswein. N'allez pas briser dans sa fleur ce lys superbe, qui n'a pas l'intention de filer, qui néanmoins veut être superbement vêtu, comme tous les lys. Et vous, vous me faites assez l'effet de Carnioli, » jeta la princesse avec un accent de colère concentrée qui fit ressembler cette parole à un soufflet. Le comte Raben s'inclina légèrement. De la part d'une dame, de la vôtre, princesse, un mot incisif n'a rien que de flatteur pour celui qui le reçoit. Quand on a affaire à un adversaire tel que vous, c'est un honneur que d'être touché. Laissez-moi tranquille, fit la princesse avec humeur. L'andante déroulait lentement ses péripéties passionnées. Il allait, il revenait sur lui-même, en lassant le thème d'une étreinte de plus en plus serrée. Enfin, le motif s'éleva jusqu'aux cieux, pendant que Demian, transporté hors du monde, y mettait toute son âme pour le déposer aux pieds de son inconnu. Remerciez-le donc, fit Raben avec son sourire sarcastique. « Vous lui devez bien cela. »« Vous m'en défiez ?» dit la princesse. Avec un geste superbe d'insolence, elle releva la draperie qui cachait ses mains gantées, elle les souleva légèrement et applaudit sans bruit, mais de la façon la plus ostensible. « Ce n'est pas assez, » dit Raben. « Soit, » fit-elle avec hauteur, et comme Demian, tout en saluant le public, avait sévère elle un regard suppliant, elle prononça distinctement, quoiqu'à voix basse, le mot « merci ». « Alors, c'est dit, vous vous chargez de le rendre immortel, » dit Raben à sa belle ennemie pendant qu'elle attachait sur lui un regard de défi. « Ce n'est pas vous qui serez jamais immortel, » lui dit-elle avec ironie. « Parce que vous n'aurez pas voulu, » répliqua-t-il avec une galanterie exquise. « Oh, mon cher, n'est pas immortel qui veut. Il faut d'abord avoir du génie. » Tout ceci se passait courtoisement, à voix basse, non avec des gestes, mais des ombres de gestes, des aperçus de mouvements. Comme il convient, entre gens d'un monde choisi, où le moindre frémissement prend une importance. Ils échangeaient ces paroles, aiguës comme des glaives, et derrière eux personne ne s'en doutait. Demian, devenu pâle, les regardait avec inquiétude, devinait qu'il s'agissait de lui. Elle le regarda. Ce regard n'eut même pas la durée d'un éclair, tant il glissa rapidement entre les paupières baissées de la jeune femme, mais il y saisit une force nouvelle, et termina la sonate avec un brio qui enleva le suffrage des plus récalcitrants. Rappelé trois fois, il revint saluer le public, son maître, qui, pour le moment, ne demandait pas mieux que de devenir son esclave. Puis, il rentra dans le salon des artistes, où il fut comblé de louanges par ceux qui, une demi-heure avant, l'avaient si rudement secoué. Il les écoutait machinalement, souriant, remerciant, donnant des poignées de main à droite et à gauche, n'entendant en réalité qu'un mot, ce merci dont ses yeux avaient deviné le mouvement sur les lèvres de la princesse, mais dont son oreille n'avait pas perçu le son. « La princesse Redine te fait de l'œil, » dit Berlemine sans cérémonie, presque à haute voix. « Elle fera ta réputation pourvu que tu sois aimable avec elle, avec son chien, sa femme de chambre et même avec son mari. Elle est mariée ?» demanda Demian, qui de tout ce discours n'avait entendu que le nom de la jeune femme et le mot « mari ». « À 35 ans, si elle ne l'était pas, elle aurait plus de chance de l'être jamais. 35 ans? Qu'est-ce qu'à 35 ans? Fit le jeune homme, pensant qu'il se méprenait. La dame qui est assise là, dans le coin à droite. Tu peux la voir d'ici, en te penchant un peu, des perles au cou, le beau Raben à son côté. C'était elle-même. Comme ces marauds la traitaient avec irrévérence. Fort scandalisé, Demian allait formuler quelque absurde protestation, Berlemine le prévint. Elle te dira qu'elle en a 28, et ce sera vraiment gentil de sa part, car elle n'en paraît pas plus de 27. Sois aimable avec son mari, c'est une condition essentielle. » Elle l'aime beaucoup, fit Demian, avec un vague serrement de cœur. Le caustique professeur laissa poindre un sourire. « Cela ne nous regarde ni l'un ni l'autre, mon cher enfant. Dans tous les cas, contrairement à la plupart des femmes de son espèce, elle témoigne au vieux prince des égards tout à fait touchants, et donne ainsi le ton à son entourage. C'est d'un excellent exemple et d'un goût irréprochable, et c'est la preuve d'une intelligence peu commune. « Le prince est vieux ?» demanda Demian, qui écoutait sans comprendre, ou plutôt sans vouloir comprendre. « Il a 68 ans. Il a été blessé à la tête en 1855, et son intelligence en a été assez sérieusement atteinte. Mais les soins admirables que lui prodigue sa femme ne peuvent manquer de lui conserver très longtemps le peu de lucidité que la Providence lui a laissé. » Demian regarda le professeur. Celui-ci était imperturbable. Jamais personne n'avait pu savoir s'il plaisantait quand il était résolu à paraître sérieux. D'ailleurs, le pauvre garçon avait bien autre chose en tête. Et il se précipita à la poursuite d'un artiste qui faisait mine de vouloir s'en aller, prétextant que jamais il n'aurait le temps de jouer son morceau au train dont marchait le concert et qui était attendu dans une soirée où il avait promis de jouer. Avec beaucoup d'instance, Marcof finit par obtenir qu'il resterait, à condition de jouer immédiatement après l'exécutant qui se faisait entendre pendant ce temps. Cet arrangement désorganisait toute la suite du concert. Mais Mademoiselle K n'était pas venue, et d'une façon comme de l'autre, il fallait tâcher de combler ce vide sans que le public pût se plaindre. Quelle corvée, mon Dieu! Quelle corvée que de donner un concert! Soupira Demian, quand les difficultés furent aplanies. Plains-toi, nous avons fait le plus difficile pour toi, répliqua Verlemine. Tu verras ce que ce sera quand tu seras tout seul. Ordinairement, mon ami, quand tout est organisé, quand la salle est éclairée, le public arrivé et les artistes en retard. Le roi de la fête est dévoré par une migraine effroyable et n'a d'autre rêve que d'aller se coucher. Quand Demian revint dans la salle, la princesse était partie. Il sembla au pauvre garçon que tous les lustres s'étaient simultanément éteints et que le monde sautait à travers l'espace au sein des ténèbres les plus opaques. Il se redressa néanmoins contre ce coup imprévu. L'attitude de la jeune femme lui avait inspiré la conviction qu'il la reverrait, et cette conviction lui donna le courage d'accomplir le reste de sa tâche sans trop de lassitude. Quand tout fut fini, quand il eut reçu les félicitations de tout le monde et donné des pourboires à une quantité incalculable de mains sales, qui semblaient se multiplier d'une façon désordonnée, Demian se trouva seul dans la rue avec Victor, qui, pendant toute la soirée, n'avait fait ni un geste ni prononcé une parole. Blotti dans un canapé, derrière un gros tas de foulards et de paletots, il s'était contenté de regarder son frère avec des yeux soumis et heureux de chien qui contemple son maître. « Ah !» fit Demian, « je suis moulu. Je voudrais me coucher là, sur le pavé, et dormir jusqu'à demain midi. »« Rentrons !» dit Victor joyeusement en le prenant par le bras. « Rentrons bien vite. Donne-moi le violon, je le porterai. » Demian se laissa faire. Ils montèrent sur un drojki et s'en allèrent qu'à un cas par les rues mal pavées du vieux Moscou, puis du Moscou jeune, aussi chaoteuses les unes que les autres. Au-dessus de leur tête, l'azur gris de l'un des nuits d'été boréales était piqué de faibles lueurs d'étoiles. C'est une de ces nuits du Nord que le poète a dû pressentir quand il a dit « Et l'aube douce et pâle, en attendant son heure, semble toute la nuit errer au bas du ciel. » En effet, près de l'horizon, flottent des clartés mystérieuses, dorées, qui parlent de soleil couchant ou d'aurore prochaine, et qui font rêver à mille choses futures, à mille espérances inavouées. Ces nuits bannissent l'image du passé, elles débordent de pensées d'avenir. Le jour n'était plus loin, il vient si tôt à cette époque. L'Orient blanchissait déjà, lorsque les deux frères descendirent devant leur maisonnette. Une lumière brillait à la fenêtre d'André, la seule qu'ils eussent vue depuis longtemps sur leur passage à travers les rues endormies où l'été le gaz ne s'allume jamais. André n'est pas couché, fit Demian en bâillant. Il veut savoir comment le concert a réussi, répondit Victor avec une joie mystérieuse. Le drojki s'éloigna lentement et nos amis entrèrent chez eux. André les attendait dans leur propre chambre, une bougie à la main. Eh bien, dit-il laconiquement. Superbe, répondit Victor, qui semblait avoir retrouvé sa langue à mesure que son frère perdait la sienne. « Je te félicite, » dit André en serrant énergiquement la main de l'artiste. « Je te remercie, mais je suis à moitié mort, » fit Demian, qui chancelait véritablement de fatigue et de sommeil. Il allait se jeter sur son lit tout habillé. Les deux jeunes gens l'arrêtèrent avec un geste d'effroi. « Tant pis pour mon bel habit neuf, » dit Demian en voulant leur résister. « Il y a 10 heures que je suis sur pied, il faut que je me vautre. » « Ce n'est pas cela, » dit Victor, toujours avec son sourire triomphant. « Il y a quelque chose sur ton lit. » Il souleva une serviette, et Demian aperçut couché à sa place, la tête sur l'oreiller, la forme bien connue d'une boîte à violon. « Qu'est-ce que c'est que cela ? » dit-il, réveillé par l'étrangeté de cette vision. « Ces boîtes d'instruments à cordes ont une vague ressemblance avec un petit cercueil. »« Regarde !» dit Ladoff. Victor retenait son haleine. Demian avança la main avec précaution, toucha l'objet et attira à lui la boîte. Elle était lourde. Il l'emporta sur le vieux petit piano, l'ouvrit et resta immobile. Dans son écrin de drap rouge, soigneusement capitonné, un superbe violon reposait sur le dos. L'archet d'ébène avait sa place dans le couvercle et le chiffre de Demian se lisait sur les deux objets. « Qu'est-ce que c'est ? » dit-il en recouvrant le souffle. « C'est pour toi, mon frère, c'est ton violon ! » s'écria Victor, incapable de se contenir. « C'est ton vrai violon, avec lequel tu deviendras célèbre !» Fiévreusement, sans répondre, Demian saisit l'instrument, accorda machinalement 2 cordes et promena 2 fois lentement l'archet sur la même note, qui rendit un son grave, plein, doux et vibrant, comme la plus belle voix de ténor. « Il est bon, j'en réponds, » dit Ladoff, jusque-là muet. Demian reposa le violon, le regarda, puis regarda ses amis. « Je ne comprends pas, » dit-il. « Ce violon doit valoir une somme folle. »« C'est pourtant bien simple, » dit Ladoff avec son sang-froid ordinaire. « Tu n'avais pas le moyen d'acheter un Stradivarius, ni nous de t'en faire cadeau. Alors, ton frère t'a fait un Markov, voilà tout. »« C'est toi, Victor, qui a fait cela ?» dit Demian, pâle d'émotion. Il commençait à comprendre. « André m'a beaucoup aidé, » répondit modestement Victor, rose comme la rose des champs et aussi petit qu'une petite souris dans l'excès de son humilité. « De mes conseils, » rectifia Ladoff. Demian resta silencieux, puis soudain, son visage se couvrit de larmes. Il le cacha d'abord dans ses mains, mais, abdiquant toute fausse honte, il le laissa voir sans vergogne et tendit une main à chacun d'eux. « Oh, mes amis, » dit-il, « mes amis !» Il ne trouva pas autre chose à leur dire. Et que pouvait-il ajouter à ce cri de l'âme ? N'était-il pas vraiment ses amis ? « Nous y avons travaillé longtemps, » dit Victor. « La boîte est faite depuis 15 mois. Elle a séché pendant 1 an, et nous avons mis 3 mois à l'achever. Et vois-tu, Demian, j'avais une idée, mais je ne la comprenais pas. » « Je l'ai bien comprise, moi, » interrompit André. « Nous avons des violonistes, mais nous n'avons pas de violon. » Tous nos instruments sont faits par des Allemands, et il y a longtemps que cela me vexe. Mais moi, je n'ai pas d'ambition. Un jour, j'irai manger mes buffles sur les bords du Don, et je ne ferai plus de violon que pour mes enfants si j'en ai, pour ceux des autres si je ne me marie pas. Victor, lui, est dévoré d'ambition. Tel que tu le vois, il a plus d'ambition dans sa petite forme que toi, mon grand Demian, dans tout ton corps qui n'en finit plus. Il voyait dans ses rêves des violons allemands, des altos de Nuremberg, s'asseoir sur son estomac et lui tirer la langue, ce qui lui procurait des cauchemars affreux. Alors il a voulu faire un violon russe, tout à fait russe, et je crois qu'il a réussi. Demian reprit l'instrument et joua les 30 premières mesures de l'allegro de la sonate. « C'est une perle !» s'écria-t-il. « Sans défaut !»« Oh, Victor, tu vois 1000 fois mieux que moi !» Victor souriait. Sa joie s'épanouissait autour de lui, il avait l'air d'être porté sur un pavois de rose. « Un artiste russe, » dit-il, « il fallait un violon russe. Nous avons l'artiste et l'instrument. Vive la Russie, vive la patrie, hurrah !» La vieille maison frissonna aux cris d'allégresse de nos amis, et l'on entendit dans la soupente la propriétaire, qui avait le sommeil dur, se retourner geindre, croyant sans doute qu'il tonnait. « Allons-nous coucher, » dit André, en soufflant sa bougie. Il fait grand jour. Une heure après, Victor, se réveillant en sursaut, aperçut les yeux ouverts de son frère qui, couché mais très éveillé, regardait attentivement la boîte à violon placée en face de lui. « Tu ne dors pas ?» lui dit-il. « Tu étais si fatigué. »« Je ne suis plus fatigué, frère, » dit Demian d'une voix douce, comme dans un rêve. « La vie est bonne. Je suis heureux. »